temps passe trop vite. Cela ne vient-il pas du fait d'être avide de connaissances? Inutile dans le monde réel, par expérience, je reviens toujours à l'essentiel. Si les heures creuses paraissent vides, ne devrait-on pas optimiser le temps libre, donner du sens à notre détermination, diffuser l'essence de nos plus profondes inspirations? Y'a que quand je me fais violence que je fais couler le sang en abondance, avec insistance, même sans assistance, je me relève pour matérialiser mes rêves. Les emplaces, on prend de l'âge, mais on se lasse bien avant l'âge. Il est bon de dire qu'on peut rectifier le tir. Il est bon de dire qu'on peut éviter le pire. Oh. Ici-bas, on ne manque pas d'efforts, d'inspiration pour faire du tort. Alors on pourrait forcément en faire autant pour soigner les temps. Car bien heureux et stable est celui qui n'est brave et pas à demi. Elle étoile le ciel, elle le rame, le bonheur ne se mendie pas. Yeah. Parce que chacun est responsable. Yeah. Tout est lié autour de soi. Yeah. Quand c'est bon, c'est de ça vient de nous. Qu'elle soit de même qu'on s'a mauvais goût. Éviter le